La chronique cinéma. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais ? Tu deviens complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je te parle de ton fils. Bon, enfin ! Lutin, malin, pestil ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Là, c'est... Franchement ! Voilà. C'est à moi. Je suis ma reine, la bonne fée. Bon con, bonne conne, chers amis auditeurs, bonjour à tous et bienvenue dans la chronique cinéma d'Hubert Félix Typhon. Aujourd'hui, après une petite semaine de pause en raison de problèmes ADSL et de cerveau trop encombrés, je vous propose un focus sur la femme la plus inspirante du cinéma français. Agnès Varda, icône de la nouvelle vague, toute petite dame, mais très grand talent, un cœur non pas moins grand, féministe et avant-gardiste, elle a injecté au 7e art son intelligence, sa force et sa fantaisie. Un modèle en somme. Agnès Varda est décédée il y a un an, le 30 mars 2019, mais son œuvre, elle, est intemporelle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on parle de cinéma ? C'est ça que je vous explique depuis un moment. C'est déphasé, c'est pas le cinéma. Il y a des fois, c'est juste le fait d'avoir filmé des gens vivants dans un cadre vivant. C'est un rapport humain, c'est pas une esthétique. Alors je veux bien avoir fait une évolution personnellement entre mes premiers films et mes derniers, vous comprenez, parce que je veux faire un cinéma qui est forme de cinéma. Mais il y a une partie du cinéma qui échappe à toute esthétique, à toute discussion. Il y a une partie du cinéma qui est simplement de garder dans une boîte. C'est exactement comme la photographie, des choses vraies, des gens qui sont contents de se retrouver. Cinéma vérité. Non, c'est pas le cinéma vérité, c'est le cinéma souvenir. Agnès Varda, 1971, vous pouvez retrouver la vidéo complète sur la page YouTube de l'INA, le cinéma selon Agnès Varda. J'en profite pour adresser mes plus gros bisous à ma copine Laure, dont les petites mains de monteuse sont derrière maintenant bon nombre de vidéos d'Archivina. Oui, mes amis ont du talent. Bisous mon petit chat. Je vous propose donc un petit retour sur les films d'Agnès Varda. Oh yeah! Si vous ne connaissez pas sa cinématographie, vous pouvez y entrer par son tout dernier film, Varda par Agnès, réalisé en 2019, est une sorte de conte autobiographique découpé en causeries et raconté par Agnès Varda elle-même. Elle revient sur toute son œuvre, comme un au revoir. Dans le même genre, Les plages d'Agnès, réalisé en 2008, et Agnès de Scie de la Varda, en 2011, permettent d'entrer en douceur dans l'univers si touchant de la cinéaste et d'embrasser les morceaux de sa vie qu'elle nous partage. Oh yeah! Sa vie à elle, elle l'a grandement partagée avec le réalisateur Jacques Demy, entre Los Angeles et Paris, dans la chaleureuse maison rose qu'ils ont aménagée en grand labo photo au 86 rue Daguerre. Lorsqu'elle l'a rencontrée, elle avait déjà réalisé La Pointe Courte en 1954, un court-métrage qui annoncera plus tard la nouvelle vague française que l'on connaît, des films à petit budget qui sortent des conventions et qui racontent d'autres histoires en brisant les codes. En 1962, Agnès réalise son film de fiction sans doute le plus connu, Cléo de 5 à 7, dans lequel elle met en scène une jolie chanteuse frivole qui, persuadée qu'elle est gravement malade, nous fait suivre ce qu'il semble être les deux dernières heures de sa vie en temps réel. Une errance parisienne, si belle, et une chanson, si belle aussi, composée par l'ami commun de Demy et Varda, Michel Legrand, qui joue dedans. Toutes portes ouvertes. Je me couvre de ville sans toi. toi. Sans toi, T.O.I.T., Varda en a fait le thème d'un de ses autres films de fiction, sûrement l'un de mes préférés. Sans toi, Nilois, réalisé en 1985, s'ouvre avec le corps d'une jeune femme retrouvée morte dans un fossé. Il s'agit de Mona, vraiment rien à voir avec notre si douce Mona Gendry, une sans domicile fixe campée par Sandrine Bonner, encore toute jeune. Le film va retracer les derniers moments de sa vie en suivant ses errances et ses rencontres, appuyé par les témoignages des gens qui ont croisé sa route, comme un faux documentaire. On suit le parcours de Mona la rebelle par des ingéniosités de mise en scène, des travelling latéraux allant de droite à gauche, rebelle aussi, comme pour remonter le cours de sa vie. Un regard bienveillant sur les laissés pour compte, bref, un super film. Mais il y a aussi L'une chante, l'autre pas, réalisé en 1977. Un film qui se lit comme une chronique du féminisme et qui soulève bon nombre de problématiques faisant encore écho aujourd'hui. Le droit à l'avortement, les luttes pour les droits des femmes, des groupes de parole et des chansons qui parlent d'elles-mêmes. Ce n'est pas plus papa que le pape ou le roi, le juge ou le docteur ou le législateur qui me feront la loi. Biologie n'est pas destin et la loi de papa ne vaut plus rien. Mon corps est à moi et c'est moi qui sais si je veux ou pas mettre bas. Faire ce bas monde des enfants ou pas, être plate ou ronde, j'ai le choix. Mon corps est à moi. Mon corps est à moi. Mais Varda, c'est aussi beaucoup de documentaires. Dans Daguerréotype, elle va à la rencontre des commerçants de sa rue, la rue Daguerre, et les suit chacun dans leur quotidien. Un signe du destin, dit-elle, d'habiter dans une rue qui porte le nom du type qui est l'un des inventeurs de la photographie. C'est vrai qu'avant d'être cinéaste, Agnès aussi était photographe. Une passion qu'elle partage avec l'artiste JR et avec qui elle collabore dans son film Visage Village, réalisé en 2017. Touchant, mais pas extraordinaire. Non, le film qui m'a vraiment marqué, c'est Les Glaneurs et la Glaneuse, réalisé en 2000. Un documentaire dans lequel Agnès Varda se réjouit de l'invention des petites caméras que l'on peut tenir d'une main, et avec laquelle elle filme ceux qui glanent, ceux qui ratissent les champs de pommes de terre après récolte pour y dénicher des restes encore mangeables, mais aussi d'autres glaneurs, pros de la récup et non du gaspillage, ceux qui donnent une seconde vie aux objets qu'ils ramassent. Oh yeah! Bref, Agnès Varda, c'est tout ça. C'est aussi et surtout beaucoup de tendresse. Alors si vous comptez entrer dans sa filmographie comme dans un cocon, allez-y, vous aurez bien raison. C'est quelqu'un qui aura marqué de façon inconditionnelle l'histoire du cinéma, mais aussi la vie de beaucoup de gens, la mienne y compris. Oui, elle était un modèle de force, d'intelligence et de fantaisie. Alors je vous laisse avec cette chanson trop mignonne que Vincent Delerme lui a dédiée en août dernier. Longue vie Varda! Comme ça, j'ai une vie hors compétition.